Bravo. Alain Désiré, Boukéneza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Des caféiculteurs de Gattara apprécient différemment la mesure d'octroyer les paiements aux caféiculteurs par des comptes bancaires et aussi par voie électronique via les comptes Limucash et Kokash. Vous suivrez le reportage de Patrick Nsengiumva. Le ministère en charge de l'agriculture annonce que les commerçants qui n'ont pas acheté le maïs au sein de la NAGESA n'auront pas l'autorisation de l'exporter vers l'étranger. Vous entendrez le ministre Prosper Dodiko. Et puis les affiliés à l'Institut National de Sécurité Sociale, INSS, recevront désormais leur pension par voie électronique via Banco Buinot à partir du mois de décembre, comme l'indique le directeur des prestations au sein de cette institution. François Akiman assure la mise en onde. Voilà pour le sommaire. L'avenir. Des caféiculteurs de la zone Gattara, en commune Matongo de la province Butanyerera, n'ont pas accueilli de la même manière la décision selon laquelle leur paiement sera désormais fait dans les banques, dans des sociétés de microfinance et aussi électroniquement via Limucash et Kokash. Certains trouvent que ce moyen de paiement sécurisera leur argent au moment où d'autres trouvent que cela ne facilitera pas la tâche aux personnes âgées qui n'ont pas de téléphone. Patrick Nsengiumva. En date 17 courant, Oscar Wikunda, directeur général de l'Office pour le développement du café au Burundi au Deka Ansg, a annoncé à Guetta en province Gitega que les producteurs du café seront désormais payés par des transferts bancaires, par virement dans des sociétés de microfinance ou par vente de la monnaie électronique via les systèmes de transfert monétaire dits Limucash et Ekokash. C'est le LII, le nouveau système de paiement des producteurs du café permettra de garantir un paiement rapide. Le DG de l'ODECA a saisi l'occasion pour encourager les agriculteurs à continuer d'améliorer la qualité du café produit en l'entretenant efficacement pour que ce produit puisse répondre davantage aux exigences du marché international, accroître des devises et consécutivement à ça, le prix du café continuera à être revu à la hausse, a-t-il ajouté. Les caféculteurs de la zone Gattara en commune Matongo de la province Butanyerera contactés nous ont fait savoir qu'ils n'ont pas accueilli de la même manière cette annonce du directeur général de l'ODECA. Certains indiquent que le nouveau type de paiement permettra la sécurisation de leur argent, car l'argent gardé à la banque n'est pas facile à être gaspillé au moment où d'autres évoquent des difficultés liées à s'adapter à l'usage des outils numériques, en particulier les personnes âgées ne disposant pas de téléphone portable ou ne maîtrisant pas les nouvelles technologies. Les caféculteurs de la zone Gattara de la commune Matongo en province Butanyerera demandent au gouvernement burundais de toujours continuer de revaloriser davantage le prix d'un kilogramme de café cerise, estima qu'il devrait au moins atteindre 5 000 donnons francs, compte tenu, d'après eux, les moyens engagés pour entretenir cette culture industrielle. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva pour la radio Isangani. Des commerçants qui n'ont pas acheté le maïs au sein de la NAGESA, l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire, n'auront pas l'autorisation d'exporter ce produit à l'étranger. Cela a été annoncé jeudi de la semaine en cours par le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions au cours d'une conférence de presse. Prosper Dodiko a indiqué que le paiement aux producteurs du maïs client de la NAGESA débutera dans deux semaines à travers tout le pays pour ceux qui possèdent un compte dans une banque ou microfinance. Suivez-le. Pour les commerçants privés qui demandent des autorisations d'importation, nous continuons à délivrer des autorisations à condition de s'approvisionner dans les stocks de NAGESA. Lorsque nous avons fait appel au privé d'acheter le maïs à 1700, son prix n'a pas été respecté. Et celui qui veut exporter son maïs, il devra s'approvisionner obligatoirement dans les stocks d'ANAGES. Lorsque les stocks d'ANAGES seront épuisés, on va alors permettre à tout un chacun de pouvoir exporter sa production. Nous devrons aussi souligner que le premier paiement devra intervenir dans le jour proche, mais pour ceux qui auront déjà un compte ouvert dans les banques ou IMF. Et nous devrons aussi rappeler que le prix reste celui fixé par le prix de 1700 le kilo. Prosper Dodiko, ministre burundais en charge de l'agriculture. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons cette édition. Je vous l'avais dit dans les titres, les affiliés à l'Institut National de Sécurité Sociale, INSS, vont désormais recevoir leur pension par voie électronique via Bankobu Inoti à partir du mois de décembre. Cette annonce a été faite par le directeur des prestations au sein de l'INSS, Jean-Petit Ndikumasabo, précise que ce changement a été motivé par le fait que les retraités percevaient de faibles montants et rencontraient des difficultés pour se déplacer en vue de les récupérer. Il invite donc tous les affiliés à l'INSS à ouvrir des comptes Bankobu Inoti, à utiliser des cartes SIM avec une connexion rapide, car selon lui, cette nouvelle procédure est irréversible. Dans le but de faciliter ces assurés qui perçoivent trimestriellement leurs prestations, l'INSS est en train de réorganiser le mode de paiement de ces prestations parce que dès le mois de décembre, ces prestations seront perçues via Bankobu Inoti. Et c'est pour cela que nous avons lancé un communiqué qui invite tous nos assurés à se faire enregistrer auprès des agents de Bankobu Inoti qui se trouvent dans les localités où ils perçoivent actuellement des prestations via la CRDB. Nous les invitons à prendre au sérieux cette action car dès que le paiement aura commencé avec le mois de décembre, il n'y aura pas de retour en arrière. Ceux qui ne se seront pas fait enregistrer avant, c'est-à-dire jusqu'au mois de novembre ou début décembre, ils ne pourront plus percevoir leur pension ou leur rente. C'est pour cela que je les invite à prendre au sérieux cette activité qui vient leur faciliter. Parce que nous avons pris conscience que le temps qu'ils passent pour aller percevoir ces prestations ou les dépenses même de déplacement qui peuvent être générées, leur cause des pertes, c'est pour leur faciliter la tâche que l'INSS a pensé à moderniser le mode de paiement et aussi avancer avec la modernité, la digitalisation étant un des piliers de cette modernisation. Et en actualité internationale, avant la chronique nutrition, en Centrafrique, les élections locales et municipales sont à nouveau reportées. L'annonce a été faite ce vendredi par le Premier ministre Félix Moloa lors d'une réunion du comité stratégique d'appui au processus électoral constitué des partenaires techniques, financiers et sécuritaires. Initialement prévu le 31 août, ce scrutin sera finalement couplé avec les élections législatives et présidentielle prévue en décembre cette année. Et la défense civile dans la bande de Gaza a fait état d'au moins 27 Palestiniens, dont des enfants, tués ce dimanche 13 juillet dans des frappes israéliennes à travers le territoire dévasté par 21 mois de guerre. Selon le porte-parole de cette organisation de premier secours, les frappes menées avant l'aube et tôt le matin ont touché des habitations et des camps de déplacés notamment. Et puis le président américain Donald Trump a annoncé ce samedi l'imposition de droits de douane de 30% pour le Mexique et l'Union européenne, faisant à nouveau grimper les tensions commerciales. Ces droits de douane entreront en vigueur le 1er août, a indiqué Donald Trump dans des lettres distinctes publiées sur sa plateforme Truth Social, citant respectivement le rôle du Mexique dans l'acheminement de drogues illicites vers les États-Unis et un déséquilibre commercial avec l'Union européenne. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La chronique nutrition de ce dimanche revient sur la patate douce qui est recommandée à des personnes qui se sentent souvent fatiguées et d'autres qui ont des problèmes d'artères et de la peau. Un chercheur nutritionniste explique que cette culture possède des fibres qui favorisent la digestion et peuvent aider à réguler le transit intestinal. Jean-Paul Uineza indique que la patate douce peut être consommée en la mélangeant avec des légumes ou des salades. Jean-Marie Mayonga.